Madame Vauquet se trouva mal en entendant ces mots. Mon Dieu, c'est à en faire une maladie. Moi qui étais hier à la gaieté avec lui, dit-elle à Sylvie. De la philosophie, maman, reprit Colin. Est-ce malheur d'être allé dans ma loge hier à la gaieté, s'écria-t-il. Êtes-vous meilleur que nous? Nous avons moins d'infamie sur l'épaule que vous n'en avez dans le cœur, membre flasque d'une société gangrenée. Le meilleur d'entre vous, ne me résistez pas. » Ses yeux s'arrêtèrent sur Rastignac, auquel il adressa un sourire gracieux qui contrastait singulièrement avec la rude expression de sa figure. « Notre marché va toujours, mon ange, en cas d'acceptation, toutefois. Vous savez, » il chanta, « ma fanchette est charmante dans sa simplicité. « Ne soyez pas embarrassé, reprit-il. Je sais faire mes recouvrements. L'on me craint trop pour me flouer, moi. »